Madame de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Ce regard fut comme un baume qui calma la plaie que venait de faire au cœur de l'étudiant le coup d'œil d'huissier-priseur par lequel la duchesse l'avait évalué. « Figurez-vous que je venais, » dit Eugène en continuant, « de capter la bienveillance du comte de Restaud, car, » dit-il en se tournant vers la duchesse, d'un air à la fois humble et malicieux, « il faut vous dire, madame, que je ne suis encore qu'un pauvre diable d'étudiant, bien seul, bien pauvre. Ne dites pas cela, monsieur de Rastignac. Nous autres femmes, nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut. » « Bah, » fit Eugène, « je n'ai que 22 ans. Il faut savoir supporter les malheurs de son âge. D'ailleurs, je suis à confesse. Il est impossible de se mettre à genoux dans un plus joli confessionnal. On y fait les péchés dont on s'accuse dans l'autre.